franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les fantômes du Mont Blanc. En 1950 et en 1966, à 16 années d'intervalle, le Malabar Princess et le Kanchenjunga, deux avions de la compagnie nationale indienne Air India, s'écrasent à proximité du plus haut sommet des Alpes. Dans les deux cas, il n'y a aucun survivant. Et à chaque fois, malgré des circonstances floues, l'enquête conclut à un accident. Les années passent, mais dans la vallée de Chamonix, d'étranges rumeurs commencent à circuler sur ces deux catastrophes aériennes. Parmi elles, on raconte que dans les sous du premier appareil, le Malabar Princess s'était rempli d'or et que les précieux lingots seraient toujours là-haut, oui, ensevelis quelque part sous la neige. On dit aussi que le second avion aurait pu entrer en collision avec un appareil militaire de l'OTAN. À cela s'ajoutent ces débris de carlingues, restes humains et morceaux de bagages que les glaciers du Mont Blanc relâchent chaque année à la surprise de nombreux alpinistes. Tels des fantômes, ils reviennent hanter la vallée et rappeler à tous ceux qui l'avaient oublié que 165 personnes ont trouvé la mort lors de ces deux accidents d'avion. De lors, l'hypothèse d'une collision, d'étranges réapparitions, le scénario est alléchant et d'ailleurs, il va inspirer de nombreux écrivains et cinéastes, parmi eux Henri Troyat, Marc Lévy ou encore le réalisateur Gilles Legrand. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invitée Françoise Rey, ancienne journaliste et désormais écrivaine. Elle enquête depuis près de 25 ans sur ce dossier. Elle en a tiré deux ouvrages, dont le dernier Crash au Mont Blanc, la fin des secrets, point d'interrogation, c'est une précision importante en l'occurrence, est paru aux éditions Glénat en 2015. Également avec nous au téléphone aujourd'hui, l'un des protagonistes de ce dossier, le journaliste Philippe Réal, dont vous entendrez aussi la voix dans les archives du récit. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Slègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Cette histoire incroyable, un trésor, un vrai, découvert par un alpiniste qui grimpait sur le Mont Blanc. Il a trouvé une petite boîte. Dans la boîte, il y avait des émeraudes, littéralement tombées du ciel. C'est une histoire à peine croyable entre Tintin au Tibet et Indiana Jones. Un passionné de montagne a trouvé un trésor dans le massif du Mont Blanc. Il y avait des saisons, du réchauffement régulièrement, des choses remontent, des objets remontent. Un trésor perché à plus de 4000 mètres, une boîte contenant pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de pierres précieuses. C'est une découverte exceptionnelle, un véritable trésor que le glacier des Bossons a laissé sortir de ses entrailles. Une aventure incroyable mais vraie, vécue par un passionné de montagne. À la fin du mois de septembre 2013, le Mont Blanc et la vallée de Chamonix font donc la une de l'actualité. Cette fois, il n'est pas question d'une avalanche ou d'un accident, non. Aujourd'hui, les médias expliquent qu'on y a trouvé un trésor. Et c'est à un jeune alpiniste qu'on doit cette découverte. Quelques jours plus tôt, l'homme évoluait sur le glacier de Bossons lorsqu'il est tombé sur une petite cassette métallique. Immédiatement, comme l'aurait fait n'importe qui, il décide de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouve plusieurs petits sachets en tissu. Chacun porte la mention « Made in India ». Le jeune homme plonge alors sa main dans le premier petit sac. Il en extrait de petites pierres qui se mettent à briller lorsqu'on les approche du soleil. Honnête, l'alpiniste dépose le petit coffre et les sachets à la gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice. Dans la foulée, les gendarmes procèdent à une expertise. Et le résultat est sans appel. La boîte retrouvée en haut de la montagne renferme des diamants. Au total, on dénombre 136 grammes de pierres précieuses. Parmi elles, des émeraudes, mais aussi des saphirs et des rubis. Malgré leur mauvais état apparent, un joaillier estime leur valeur à près de 200 000 euros. Immédiatement, la nouvelle attire les curieux, bien sûr. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'on fait d'étranges découvertes dans les neiges du Mont Blanc. L'année d'avant, à la même période, deux pisteurs secouristes avaient déjà retrouvé, toujours sur le glacier de Bossons, un sac en toile de jute. de couleur marron. Celui-ci portait les inscriptions Diplomatic Mail, courrier diplomatique, et Ministry of External Affairs, ministère des Affaires étrangères. À l'intérieur, pas de diamants, mais du courrier et des journaux indiens. Du courrier diplomatique, des diamants, la découverte de ces objets en pleine montagne intrigue. À Paris, dans les salles de rédaction, l'affaire suscite de nombreux commentaires. S'agit-il de l'œuvre d'un plaisantin qui aurait disséminé ces objets, là-haut, en pleine montagne ? S'agit-il d'objets perdus par des alpinistes venant de la soute d'un avion qui les aurait perdus en vol ? Et pourquoi cette référence à l'Inde sur le sac de toile et sur les sachets de diamants ? Afin de tirer cette affaire au clair, la journaliste du quotidien Le Monde, Patricia Joly, part enquêter en Haute-Savoie. Dans la vallée de Chamonix, elle rencontre et interroge de nombreuses personnes. Parmi elles, une vieille dame de 78 ans, Jeannette Bollard. Son défunt mari, Roger, était gendarme au peloton de secours de haute montagne. Lorsque Jeannette apprend la découverte des diamants, elle sourit car, dit-elle, les diamants faisaient l'objet d'une vieille plaisanterie entre elle et son époux. En effet, la vieille dame affirme que son mari en avait trouvé là-haut, lui aussi. À les entendre, le Mont Blanc a toujours été une sorte de joaillerie. Mais là, il se trouve qu'au beau milieu de l'hiver 66, on avait envoyé le mari de Jeannette chercher des survivants après un accident aérien. Alors, les diamants retrouvés par le jeune alpiniste viendraient-ils eux aussi de cet avion écrasé sur le sommet ? Patricia Joly rencontre ensuite un autre témoin, un homme de 60 ans. Mi-aventurier, mi-chasseur de trésors, il a une réputation sulfureuse dans la région. Il s'appelle Daniel Roche. Depuis plusieurs années, il arpente la montagne pour trouver les débris de deux avions. En 2010, il avait d'ailleurs emmené le journaliste Stéphane Combe de France Inter lors d'une expédition. Sur le glacier du Bosson, les deux hommes avaient fait une étonnante découverte. Alors là, on marche sur la glace. Enfin, là, on est sur la glace. Ah ben voilà, alors ça, par exemple, ça, je vais vous dire ce que c'est. Voilà. Voilà, un morceau d'avion devant nous. Je viens de le trouver. Ouais, je plante le piolet. Alors voilà, ça c'est un morceau du moteur. C'est voilà. Des morceaux de métal qui sont assez imposants quand même. Là. Ah ça, fait plusieurs centimètres carrés. Oui, bien sûr, mais par rapport à ce que j'ai trouvé, 20, 30, 40, 50, 60 kilos, il m'a fallu 2 semaines pour le descendre. Chez lui, Daniel Roche possède une véritable collection de pièces en tout genre. Au total, près de 9 tonnes de débris appartenant, comme il le dit, à 2 crashs qui ont eu lieu au milieu du siècle dernier. Parmi ceux-là, des bijoux, des vêtements, des morceaux de métal. À son palmarès, il affiche même les roues et un moteur. Pièces qu'il est allé faire élitreiller en pleine montagne, receleur de mystères. Enfin, la journaliste Patricia Joly rencontre un troisième témoin. Une dame qu'on surnomme dans la vallée la Ferrailleuse des Bossons et qui, en vérité, s'appelle José de Vérité. Mais oui, cette dame est une artiste. Elle conçoit des sculptures avec des morceaux de carlingue prélevés sur les avions accidentés dans la montagne. Dans son cabanon, elle entrepose depuis des années des dizaines et des dizaines de pièces. Mais la main sur le cœur, elle regrette, dit-elle, que les 165 personnes qui sont mortes dans les deux accidents n'aient jamais eu de mémorial. Une façon de transformer le devoir de mémoire en matière première artistique. Jeannette Bollard, Daniel Roche, José de Vérité, 3 témoignages qui mettent en lumière une seule et même histoire derrière la découverte de ces diamants. 3 récits qui réveillent aussi chez les habitants de la vallée de Chamonix des souvenirs douloureux, ceux d'une époque lointaine où la mort venait frapper sur la plus haute montagne d'Europe. Venant de Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. Aussitôt après l'annonce du désastre, l'avion du capitaine Guérin prenait l'air pour tenter de retrouver l'appareil et survolait la chaîne frontalière franco-italienne, zone présumée de l'accident. Après plusieurs heures de recherche, l'appareil de secours découvrait, à la droite d'une arête rocheuse, la carcasse du Constellation, autour de laquelle on ne décelait hélas aucun signe de vie. Premier accident le 3 novembre 1950, le Malabar Princess, avec à son bord 48 passagers, s'écrase à quelques centaines de mètres du sommet du Mont Blanc. On localise l'épave sous le rocher de la Tournette, à environ 4600 mètres d'altitude. Dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants, des guides de Chamonix tentent de rejoindre le lieu du crash. En ce début d'hiver, la neige tombe et les avalanches sont nombreuses. La montée est périlleuse. Et très vite, l'opération de secours tourne au drame. René Payot, guide de haute montagne et figure bien connue dans la vallée, meurt, emporté par une coulée. À Chamonix, le traumatisme est immense. Malgré tout, une équipe de guides de Saint-Gervais continue l'ascension et réussit à accéder jusqu'à la carlingue de l'appareil accidenté. Au péril de leur vie, les cinq hommes réussissent un exploit. Sur place, ils découvrent des débris métalliques enfouis sous la neige. Ils récupèrent un sac de courrier postal et à leur retour, ils sont accueillis comme des héros. La presse consacre sa une à leur incroyable expédition. Quant aux 48 victimes du crash, des marins indiens, tout le monde semble les avoir oubliés. En fait, seul compte la mort du guide René Payot dans la vallée. L'homme est mort en mission de sauvetage, ce qui lui ouvre les portes de la postérité. L'hebdomadaire Paris Match publie d'ailleurs en pleine page une photo du fils du guide, le jeune Georges. Le garçon tient une corde et un piolet. Sous cette photo, la légende donne le ton. Quand je serai grand, je serai guide. Ensuite, les mois, puis les années passent. Et l'affaire du crash du Malabar Princess disparaît peu à peu de l'actualité et des mémoires. L'enquête piétine, le mystère demeure. Mais très vite, une rumeur enfle dans la vallée. L'avion aurait transporté dans sa soute des lingots d'or. De l'or, oui, qui serait toujours enfoui là-haut, quelque part au sommet du Mont Blanc. Et c'est la chasse au trésor, au sens propre, qui commence. Ignorant le danger, de nombreuses cordées tentent leur chance. Mais personne, non, personne ne retrouvera le moindre gramme de métal précieux en haut de la montagne. Ce n'est que 16 ans plus tard, alors que le crash du Malabar Princess n'a pas encore livré tous ses secrets, qu'un nouvel événement dramatique vient relancer l'affaire. Ce matin, vers 8h, un Boeing 707 de la compagnie Air India s'est écrasé sur les pentes du Mont Blanc en territoire français. Immédiatement, des équipes de secours se sont rendues sur les lieux, mais aucun des passagers n'a pu être sauvé. Et le bilan de cette catastrophe est très lourd. 117 personnes ont péri. De Chamonix, les dernières nouvelles, Alain Franck et Michel Causse. Alors que la nuit tombait sur la montagne, les Alouettes 3 de la protection civile effectuaient leur dernière reconnaissance. Entre-temps, les sauveteurs, deux guides de la compagnie de Chamonix et 7 gendarmes du PSHM effectuaient une reconnaissance auprès des débris de l'appareil. Déposés au dôme du Goûter, les sauveteurs effectuèrent alors une longue marche d'approche afin d'atteindre l'épave de l'appareil. Après de très très gros efforts, ils purent atteindre cette épave. Le 24 janvier 1966, le Kanchen Yunga se crache sur une arête à proximité du Mont Blanc. Au téléobjectif, on aperçoit un cratère et une multitude de débris. Une partie de la carcasse est sur le versant français, l'autre sur le versant italien. Dans les heures qui suivent, les gendarmes se rendent sur place, en hélicoptère. L'adjudant Pierre Grospellier découvre dans la neige la casquette du pilote de l'avion. Oui, mais aucun signe de la boîte noire. Coïncidence troublante, comme ce fut le cas pour le crash du Malabar Princess en 1950, le Boeing qui s'est écrasé aujourd'hui appartient lui aussi à la compagnie Air India. Autre élément étonnant, et qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants, à bord du second appareil accidenté se trouvait Monsieur Bertoli, le président de la compagnie pour la zone Europe. Et surtout, l'homme qui était en charge des recherches pour le premier crash, celui du Malabar Princess. Enfin, dernier aspect qui renvoie cette affaire à un lointain passé, parmi les sauveteurs qui se rendent sur le lieu de l'accident, il y a Georges Payot. Oui, Georges, le fils de René Payot, ce guide qui avait trouvé la mort 16 ans plus tôt en tentant de rejoindre l'épave du premier avion accidenté. Interrogé par l'ORTF, le jeune homme décrit la scène de la catastrophe. Georges Payot, vous êtes arrivé sur place à quelle heure ? Et on a pris l'hélicoptère, il devait être 2h10, et l'hélicoptère nous a posé à 2h30 au sommet de la Grande Bosse. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dès votre arrivée sur les lieux ? Ben, ce qu'on voit, c'est une immense, c'est tout noir, quoi. On voit toute la neige recouverte de débris, et c'est impressionnant, vraiment. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu de corps. On a dit aussi que l'on avait retrouvé des singes, est-ce exact ? Oui, ça c'est vrai, comme l'hélicoptère nous a posé, presque à 50 mètres au-dessus, on est tombé justement sur ces singes. Là, il y avait une dizaine de petits singes. Thank you. des petits singes morts sur la montagne. Effectivement, l'avion transportait plusieurs dizaines de ces animaux. Ils étaient destinés à des laboratoires de recherche. À proximité de la carlingue, on retrouve également une valise diplomatique. Celle-ci est rapidement mise sous scellé. Plus loin, on découvre aussi des bijoux, des habits, des livres, des photos et des manuscrits écrits en indien. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que c'est une mauvaise communication entre le pilote et la tour de contrôle de Genève qui est à l'origine de la catastrophe. Pour la justice, boîte noire ou pas, l'affaire semble déjà entendue. 3 jours après l'accident, avec le retour du mauvais temps, les recherches sont stoppées et on interdit l'accès au site du crash. Dans la vallée pourtant, un petit groupe de personnes n'entend pas en rester là. Eux veulent retrouver l'enregistreur de vol, la fameuse boîte noire, et comprendre ce qui s'est réellement passé là-haut, à plus de 4600 mètres d'altitude. Dans les jours qui suivent le second accident, celui du Boeing d'Air India, plusieurs journaux étrangers relaient d'étonnantes informations. L'un d'eux, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, affirme qu'un appareil militaire appartenant à l'OTAN a lui aussi disparu le jour du crash au-dessus des Alpes. Fait étrange, l'avion volait dans la même zone que le Boeing d'Air India et a disparu des écrans radars au même moment. Alors, les deux appareils auraient-ils pu entrer en collision ? L'hypothèse est invérifiable en l'état, mais elle alimente toutes les spéculations. Toujours par voie de presse, on apprend ensuite qu'à bord de l'appareil d'Air India se trouvait un éminent scientifique indien, le professeur Homi Bhabha, le père du programme nucléaire à New Delhi. En pleine guerre froide, sa disparition entraîne avec elle de nombreuses interrogations, dont celle-ci, l'avion d'Air India a-t-il été victime d'un attentat ? Pour en avoir le cœur net, un jeune journaliste de l'ORT, Philippe Réal, organise dans le plus grand secret une expédition avec un guide local, René de Maison. Ils veulent se rendre au sommet du Mont Blanc pour retrouver d'éventuels débris de l'avion et surtout l'enregistreur de vol du Boeing d'Air India. À Paris, au siège de l'ORTF, certains responsables et journalistes sont mis au courant. Chacun approuve l'idée, mais surtout, on garde le secret. Et le 22 février 1966, soit un mois après le second accident, l'équipe de l'opération Chabert, c'est son nom de code, se prépare à partir. Pour rejoindre le Mont Blanc, ils disposent d'un hélicoptère. Un appareil qu'ils ont caché depuis plusieurs jours dans une ferme près d'Albertville. Et le 24 février, profitant d'une éclaircie, ils sortent la machine de sa cachette. Le pilote saute à son bord et démarre la turbine. Les 5 hommes prennent leurs affaires et s'installent. Au pied de l'hélicoptère qui s'apprête à partir, Philippe Réal interviewe René de Maison. René de Maison, vous allez diriger l'équipe de la télévision française sur le Mont Blanc. Vous partez maintenant dans une première rotation. Où allez-vous vous poser ? Où espérez-vous vous poser ? Eh bien, en principe, si les conditions le permettent, nous allons nous faire déposer à 3500 mètres d'altitude au glacier du Mont Blanc. Bon, ensuite, les 3 techniciens et caméramans journalistes de la télévision française font une seconde rotation et se poseront un peu plus bas sur le glacier de Miage. À bord, ils sont 5, les 2 guides René de Maison et Émile Troisiard, et les 3 membres de l'ORTF, le journaliste Alain Franck, le caméraman Philippe Biessy et le preneur de son Jean Pontanier. Philippe Réal, lui, fonce à la station d'Aplagne pour tenter d'établir une communication radio. Ce 22 février, en fin de matinée, l'hélicoptère approche des sommets. Il largue le matériel de l'opération Chabert à un peu plus de 3300 mètres d'altitude. Les 5 hommes font un saut de plus de 7 mètres et atterrissent dans la neige. Ils prennent ensuite la direction du refuge de Quintinocella sur le versant italien de la montagne. Il fait froid, très froid, et la neige rend difficile le moindre de leurs mouvements. Le lendemain, un épais brouillard recouvre le sommet du Mont Blanc. Malgré les conditions très dures, les 2 guides de Maison et Tozziar se remettent en marche pour rejoindre la zone du crash de Boeing. Les 3 membres de l'ORTF, eux, restent au refuge. Leur mission est d'établir une liaison radio entre la vallée et les 2 guides qui forment désormais l'équipe de pointe. 3 jours plus tard, le 26 février 1966, en direct, dans le magazine Interactualité, Philippe Réal a réussi à entrer en contact avec eux. Allô Chabert, ici la plane qui vous appelle, m'entendez-vous ? Oui, ici l'équipe du camp de base, l'équipe des Chabert, comme elle s'appelle maintenant pour cette opération montante. Bien compris, Chabert, bien compris, Chabert. Maintenant, il y a une chose très importante. Avez-vous retrouvé la liaison avec l'équipe de pointe? À vous. Effectivement, nous avons réalisé aujourd'hui une liaison avec l'équipe de pointe de Maison Trophiard à 13h30. Mais nous avons simplement pu entendre que Trophiard et de Maison poursuivaient leur recherche afin de retrouver la boîte noire qui devrait permettre d'établir les causes de cet accident. À Paris, les autorités politiques sont prises de court. Dans la presse, on parle déjà de l'expédition Chabert comme d'une contre-enquête après celle des gendarmes. Les Italiens, eux, s'insurgent. L'équipe de l'ORTF est en effet entrée illégalement sur leur territoire pour accéder à la zone du crash. Alors à Rome, on convoque l'ambassadeur français. Place Beauvau à Paris, le ton monte. Le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, mandate les renseignements généraux pour suivre et surtout surveiller l'expédition Chabert. Ne les lâchez pas d'une semelle et tenez-moi informé heure par heure de leur déplacement, aurait hurlé le ministre de l'Intérieur au téléphone. De leur côté, bien loin de cette agitation politique, les deux guides, René de Maison et Émile Trottiard, poursuivent leurs recherches là-haut, seuls, à près de 4600 mètres d'altitude. Et le 27 février, ils réussissent une première technique mondiale. Grâce au relais des trois hommes de l'ORTF dans le refuge, ils entrent en communication avec Philippe Réal, en bas, dans la vallée. Sur place, à proximité des restes de la carlingue, les deux guides découvrent une masse de débris. Alors ils trient, ils cherchent, ils trouvent. Après plusieurs heures de fouilles, ils mettent enfin la main sur plusieurs pièces très intéressantes. Mais celles-ci ne semblent pas appartenir au Boeing d'Air India. Non, la couleur, le métal et la présence de rivets ne correspondent pas. S'agirait-il enfin d'une preuve qu'un autre avion est impliqué dans la catastrophe ? Malgré leurs efforts répétés, De Maison et Trottiard n'arrivent pas à mettre la main sur la précieuse boîte noire de l'appareil. Après plusieurs jours à retourner la neige, l'objet tant convoité reste introuvable, à croire que quelqu'un l'aurait déjà récupéré. Toujours est-il qu'après 8 jours d'une extraordinaire aventure à haute altitude qui a tenu en haleine des millions de Français à la radio, les 5 hommes de l'expédition Chabert redescendent dans la vallée. Leurs sacs à dos sont lourds. Chacun d'entre eux porte sur ses épaules plusieurs dizaines de kilos de débris métalliques. Après une marche interminable de près de 8 heures, ils arrivent en début de soirée à proximité de la ville de Courmayeur. Et là, dans la pénombre, des hommes en armes leur font face. Qui sont-ils et surtout, que leur veulent-ils? Une chose est sûre, l'affaire du crash du Boeing Kanchenjunga d'Air India semble intéresser beaucoup de monde. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux les ensembles, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous propose un intermède à la fois d'actualité, de sport et de télévision. Je veux parler de cette expédition du Mont Blanc dont on vous a beaucoup parlé et dont vous allez voir maintenant quelques images. L'équipe de guides français dirigée par René Demaison, partie le 22 février sur les lieux de l'accident du Boeing 707 d'Air India, avion qui s'était écrasé le 24 janvier dernier sur la roche de la Tournette dans le massif du Mont Blanc et avait fait 117 victimes, a regagné hier dans la nuit Courmayeur. Les guides français étaient accompagnés par une équipe de l'ORTF de Grenoble. Ils ont rapporté de cette expédition des débris d'appareils. Mercredi 2 février 1966, la nuit est tombée sur la ville italienne de Courmayeur. Après une descente de près de 8 heures, les 5 membres de l'expédition Chabert, René Demaison, Émile Troisdiard, Alain Franck, Philippe Biessier, Jean Pontanier sont épuisés. Ils ne sont pourtant pas au bout de leurs épreuves. En effet, alors qu'ils arrivent à proximité de la ville, des hommes en armes leur font face. Après quelques instants d'hésitation, les individus leur font signe d'avancer. René Demaison et ses 4 coéquipiers obtempèrent. Et là, surprise, à la lumière des lampes torches, ils découvrent qu'il ne s'agit pas de voleurs ou de contrebandiers. Non, les hommes qu'ils ont en face d'eux sont des carabiniers italiens. Chacun leur tour, les membres de l'expédition Chabert sont interrogés. On leur demande ce qu'ils ont fait là-haut, où ils sont allés. Ensuite, on leur demande d'ouvrir leurs sacs. Les carabiniers fouillent et récupèrent un à un les débris métalliques. Toutes les pièces d'avion sont ainsi confisquées par les Italiens. Pour autant, les ennuis administratifs ne sont pas terminés pour les 5 hommes. À leur passage du poste frontière au tunnel du Mont Blanc, les autorités françaises interrogent elles aussi les membres de l'expédition. Très vite, on leur reproche d'avoir violé le territoire d'un pays étranger. Et pour seul remerciement d'avoir livré, contraint et forcé, il est vrai, des pièces de l'avion, les 5 hommes reçoivent un très solennel « Rentrez chez vous et laissez faire la commission d'enquête ». Cette fois, René Demaison en est convaincu, quelqu'un en haut lieu tente d'étouffer l'affaire. Le lendemain, en conférence de presse, le journaliste de l'ORTF, Philippe Réal, qui a co-organisé l'expédition Chabert, s'explique. Il le dit haut et fort, non, l'ORTF et la mission Chabert n'étaient pas là pour se substituer à la commission d'enquête. Et le journaliste ajoute, l'objectif était avant tout d'accomplir un exploit sportif et technique, de filmer le point d'impact et de ramener éventuellement quelques débris. La suite, il la raconte en direct à la radio, dans le journal de 13h de France Inter. Moi, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Et puis finalement, un jour, c'était le dimanche, René Demaison nous a contactés par radio, il était à 4002, et il nous a dit, voilà, nous sommes sur place, nous avons trouvé des pièces, de Boeing, et nous avons trouvé d'autres pièces qui ne ressemblent absolument pas à des pièces de Boeing. Il m'a dit, je ne suis pas expert, mais je vois bien que ce n'est pas le même matériau, la même matière, le même acier. Ces pièces ont une numérotation, et il m'a posé la question, qu'est-ce que nous en faisons ? Alors je lui ai répondu par radio, descendez ces pièces, elles seront certainement très utiles pour la commission d'enquête. Dans la foulée, Philippe Réal est convoqué au siège de l'ORTF rue Cognac G à Paris. L'échange est houleux. On lui fait clairement comprendre qu'il doit arrêter de s'intéresser de près ou de loin à cet accident d'avion. Bon, très bien. Mais en coulisses, Philippe Réal refuse d'abandonner. Expert du monde aéronautique, il agite ses contacts chez Boeing. Le journaliste envoie des photos prises par les guides, Demaison et Tozziard, sur le lieu d'accident. Sur les clichés, on voit des morceaux de tôle de couleur kaki, ériftés. Quelques jours plus tard, la réponse des ingénieurs travaillant pour le constructeur américain ne laisse planer aucun doute. Ces pièces n'appartiennent pas au Boeing 707 d'Air India. Serait-ce enfin la preuve de l'implication d'un second avion dans la catastrophe ? Les enquêteurs officiels, eux, réfuteront cette thèse. Un an plus tard, en effet, le 11 mars 1967, le rapport final de la commission d'enquête paraît au journal officiel. Sans l'ombre d'un doute, il impute les causes de l'accident du Boeing d'Air India Kanchenjunga à une mauvaise interprétation des ordres entre la tour de contrôle de Genève et le pilote de l'avion. Le rapport stipule aussi très clairement qu'aucun autre avion n'a disparu ce jour-là à proximité du Mont Blanc, genre circuler, y a rien à voir. En se basant sur le numéro de série des pièces retrouvées sur le lieu du crash, M. Auffray, expert international et membre de la commission, confirme que tous ces débris, oui tous, appartiennent au seul Boeing d'Air India. Les chiffres sont des numéros matricules que nous avons parfaitement retrouvés dans la nomenclature de l'avion. À la suite de cet examen, je suis en mesure de vous affirmer que toutes les pièces appartiennent au Boeing d'Air India. Voilà, dans la vallée de Chamonix, les années passent et pour beaucoup, le mystère qui entoure les deux accidents d'avion demeure. Mais c'est à ce moment précis que des alpinistes vont faire une série d'étranges découvertes là-haut, sur le glacier des Bossons. En 1978, un peu par hasard, un gendarme du peloton de Chamonix, le chef Groppelier, alors en patrouille sur le glacier, découvre un sac bleuâtre qui appartiendrait au Malabar Princess, le premier avion qui s'était crashé sur le Mont Blanc en 1950. Joint au téléphone par France Inter, le gendarme raconte. J'étais sur le glacier des Bossons, bien sûr, et puis en progressant en direction de la crèmerie, je suis tombé sur un petit sac bleu d'Indian Post Office. Alors ça a attiré mon attention et puis je l'ai dégagé un petit peu avec mon piolet et je me suis rendu compte que c'était du courrier. Comment ce sac postal est-il arrivé là puisque l'avion s'est écrasé à 4750 mètres? Vous savez que là il y a la progression des glaciers qui a dû faire beaucoup de choses là-dedans et puis il a dû descendre je pense la première partie avec des avalanches de neige. Parce que c'est quand même assez rapide, de 4700 mètres à 1100 je pense que c'est quand même assez rapide. Et ce courrier que vous avez retrouvé, que va-t-il devenir maintenant? Eh bien, je pense que tout ce qui est exploitable, nous allons le réexpédier aux personnes intéressées. Enfin, je ne sais pas si les gens sont encore présents, mais enfin. Ce sac postal devient le premier objet d'une longue série qui sera retrouvée sur le glacier du Mont Blanc. Débris d'avion, restes de bagages et parfois même restes humains. Année après année, les fantômes du Malabar Princess et du Kanchenjunga refont surface, continuant de hanter la mémoire de la vallée. En 1993, lors d'une entrevue sur une radio savoyarde face au journaliste Alain Flamand, l'ancien guide de l'expédition Chabert, René de Maison, revient sur le second crash, celui du Boeing Kanchenjunga. Il confirme qu'il est toujours convaincu par la thèse d'une collision entre deux avions. Au micro, René de Maison révèle aussi, pour la première fois, avoir subi des pressions pour garder le silence. 47 ans après l'accident, à la fin de l'été 2013, on l'a vu, il a découvert une petite boîte de diamants par un alpiniste amateur, remet l'affaire du crash des deux avions d'Air India à la une de l'actualité. Mais malgré les années, malgré les progrès techniques et technologiques, les questions demeurent. Que s'est-il passé en haut de la montagne durant l'hiver 1950 et 16 ans plus tard, à la fin du mois de janvier 1966? Retrouverons-nous un jour l'or du Malabar Princess et les secrets du savant atomicien Homi Bhabha? Avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, de nombreux fantômes risquent encore de faire parler d'eux. Apporteront-ils les réponses que tout le monde attend? Les spécialistes le croient, la population, elle, l'espère. À moins qu'avec le temps, la neige en deuil ne finisse par tuer la vérité. Is there a light you have inside you can't touch? A looking glass can only show you so much. Follow the signs, slowly but steady, don't rush. The day will come. when you read it. Just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Round me, you see so clear. Is there a way for you to shine out? You can't say what keeps you here. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Blind, but yeah, you see so clear. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Blind, but yeah, you see so clear. To give it your all. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les fantômes du Mont-Blanc avec notre invitée Françoise Rey. Bonjour. Bonjour. Ancienne journaliste, je le rappelle, désormais écrivaine. Moi, je dis écrivaine, je ne sais pas comment vous dites. C'est pas très joli dans écrivaine, il y a veine. Oh, il y a écrit surtout. Enfin bon, vous enquêtez depuis près de 25 ans sur ce dossier. Je rappelle que vous en avez tiré deux ouvrages, hein, dont le dernier est intitulé « Crash au Mont-Blanc, la fin des secrets », point d'interrogation, aux éditions Glénat, c'était en 2015. Pourquoi cette histoire vous hante-t-elle à tel point d'en écrire deux livres? D'abord parce que le premier devait pas être un livre. Le premier devait être un article. Je passais les étés à Chamonix. J'habitais Paris. Je passais les étés à Chamonix pour suivre mon compagnon mon compagnon de l'époque qui est guide. Et j'ai découvert, en faisant mes premiers pas en glace dans le glacier des Bossons, qu'on enjambait des tas de morceaux de ferraille et de câbles, etc. François m'a expliqué, c'est tout à fait normal. Il y a eu un accident d'avion il y a 50 ans et voilà, c'est normal. Moi, ça m'a pas paru normal du tout. Donc, j'ai voulu un peu chercher à comprendre. Je me suis rendu compte que c'était ce fait divers, ce crash qui avait inspiré Henri Troya pour La Neige en deuil. Absolument. Voilà, roman que j'avais étudié à l'école, en cinquième, je crois, et qui m'avait vraiment passionné, fait rêver en tout cas. Et donc là, j'ai voulu écrire un petit article. Et puis, découvrant, enquêtant sur le Malabar Princess, le crash du Malabar Princess, donc en 1950, j'ai découvert qu'il y avait un autre crash, beaucoup plus récent, beaucoup plus meurtrier, mais dont on ne parlait pas dans la vallée. Personne n'en parlait. Donc, j'ai voulu enquêter. Et derrière ce deuxième crash, j'ai découvert une polémique, l'expédition Chabert, etc. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est un livre. J'ai fait ce livre, me sentant un peu dépassée par les événements parce que j'ai vu que je mettais les pieds en terrain sensible, puisque René de Maison m'a posé deux lapins, puis après m'a dit, vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Donc j'ai laissé un peu en suspens ce livre, j'ai vu que j'abordais quelque chose de très très compliqué, donc j'ai fait ce livre, et puis entre-temps je me suis installée à Chamonix, et ça me tourmentait parce que, premièrement, j'habite au pied du glacier des Bossons, donc je suis sous... cette cascade de glace qui transporte près de 150 corps, presque 160, qui sont victimes, qui ont été les victimes des deux catastrophes. C'est pas anodin. Alors, élément étonnant, les chamoniards, vous avez raison de dire que c'est pas anodin, les chamoniards entretiennent un rapport très particulier avec ces deux affaires. Nombreux sont ceux qui se souvenaient avant l'apparition du livre du second crash. À quoi est-ce dû ce rapport très, très intime presque entre les habitants de la vallée, cette histoire, au-delà de la proximité? géographique. Au-delà de la proximité, je pense que dans le cas du premier crash, ce qui s'est passé, c'est que l'épave a été découverte 3 jours après le crash. Donc, en plein hiver, il n'y avait aucune chance de retrouver des rescapés. Mais on s'est acharné. On a mis de gros moyens pour accéder à l'épave. Et tout ça a été organisé par l'école militaire de haute montagne qui est à Chamonix, du côté chamonien. Une fois que René Payot est mort, comme vous l'avez dit dans le récit, tout a été stoppé immédiatement. Il ne fallait plus monter. Non seulement il ne fallait plus monter, c'était interdit. Donc René Payot a eu droit à des funérailles nationales. Et pendant ce temps, la commune voisine, mais qui était aussi la commune rivale de Chamonix, avait 5 hommes qui montaient tranquillement et discrètement vers l'épave et qui, eux, ont réussi à atteindre l'épave. Donc il y a eu à la fois la mort, le fait divers qui devient, enfin le crash aérien qui devient une histoire, une affaire locale de mort d'alpinistes, malheureusement, je vis à Chamonix, donc je sais que la mort fait partie de la vie quotidienne à Chamonix. Donc ils se sont, là c'est une figure était morte, donc c'est devenu une histoire locale. Et l'histoire de la petite compétition avec Saint-Gervais qui est mal passée, parce que non seulement c'était la commune rivale, mais il y avait d'un côté les gros moyens de l'école militaire et de l'autre côté des indépendants, si vous voulez, des francs-tireurs. Donc, et qui sont devenus héroïques. Donc ça c'est pour ce qui explique qu'on ait beaucoup parlé du Malabar Princess. Et au passage, vous l'avez très bien dit, on n'a pas du tout parlé des victimes. Non, c'est vrai. Et moi, en revanche, le deuxième, on peut expliquer que le deuxième, au départ, c'est ce que j'ai pensé. Le deuxième a été un peu enfoui dans la mémoire, premièrement parce que l'enquête s'est arrêtée quasiment le lendemain. On a dit, bon, allez, c'est circulé, il n'y a rien à voir, il fait mauvais, on reprendra tout ça au printemps, lorsque la neige aura fondu. C'est ce qu'on a dit aux familles, entre parenthèses, parce que ces familles que je n'avais pas trouvées lors de l'écriture de mon premier livre, c'était pas autant des dinosaures, mais avant Internet. Après, vous avez retrouvé. Voilà. Oui, donc c'est ce qui m'a poussé à reprendre aussi. Et donc, on sait ce qu'on leur a dit. On leur a dit, écoutez, on reprendra tout ça au printemps, on vous ramènera votre frère, votre père, votre... au printemps. On a abandonné les corps dans la montagne. Et donc, je pense que la mémoire collective n'a pas été marquée par les opérations de secours, de recherche, et aussi peut-être parce que justement deux maisons qui étaient parler de lui au cours de l'opération Chabert n'étaient pas tellement, il n'était pas tellement en état de grâce à Chamonix à cette époque-là. Donc, parce que moi, quand j'ai interviewé les gens, ne serait-ce qu'en pour le premier livre, c'était oui, non, il a tout inventé, c'était... Et du côté de la justice, parce qu'on a vraiment l'impression que par deux fois, on a dit, bon, écoutez, c'est un problème de communication entre la tour de contrôle, le pilote, un problème technique, voilà, encore une fois, le fameux circulé, il n'y a rien à voir, vous avez réussi à gratter, pardon, l'expression un peu familière, quelque chose du côté de la justice, où les portes se sont refermées. Bah lorsque j'ai écrit le premier livre, j'ai eu accès au dossier d'instruction. Et j'ai vu les deux. Mais on m'a laissé très peu de temps. Évidemment, je ne pouvais pas partir avec les documents. Donc moi, j'avais un grand cahier. J'ai pris des notes. Et ce que je voulais, en fait, parce que j'avais déjà écrit la plupart... Le récit était monté. Mais ce que je voulais, c'était donner... Mon souci, c'était de donner vie à ces victimes qui étaient dans la vallée. Dans la vallée, personne ne s'intéressait à elles, non seulement ça, mais on me disait « Ah oui, moi j'ai trouvé une tête. Ah oui, moi j'ai trouvé un pied. Ah oui, moi j'ai trouvé une calotte vertébrale ou un scalp. » Oui, c'était ordinaire d'entendre ce genre de propos. Et des gens qui vous sortaient un tibia, une mâchoire, un scalp. Et c'est, je précise, c'est toujours le cas. Aujourd'hui encore. Non, aujourd'hui on s'en vante pas. Mais il y a des tibias. Et sur Internet, vous pouvez trouver des histoires de gamins qui racontent exactement ce qui est décrit dans le film Malabar Princesse. Vous savez, le petit gamin qui montre des trucs conservés dans le. Bon. Où en étais-je? Que vous aviez. Je vais vous poser la question de la justice. Oui, alors la justice. Donc moi, ce que je voulais, c'était donner vie à ces victimes, de leur donner déjà un nom. Donc j'ai relevé des tas de noms avec qui était quoi, la lettre de père, de la mère, etc. Et c'est là que j'ai vu le nom de ce monsieur qui attendait une cassette d'émeraude à Londres. Donc voilà, j'ai relevé tous ces noms. Et le dossier d'instruction était plein de lettres de familles qui attendaient des détails, qui avaient envoyé des radios, etc. Le résultat de l'enquête, c'est un non-lieu. C'est une erreur de communication. Je parle du deuxième accident. Une erreur de communication entre le pilote et la tour de contrôle. Le pilote, sur des problèmes de langue, l'anglais, hein, qui a été mal compris. Ouais. Et ce dossier d'instruction que j'ai voulu revoir, à l'occasion de la découverte des pierres précieuses, eh bien, on m'a dit qu'il avait disparu. Alors, normalement, dans des archives, on m'avait dit qu'il avait été transféré aux archives des Pantomartins. Normalement, il y a un bordereau. Quand une archive disparaît, il y a des bordereaux. Alors, j'ai insisté, je voulais voir les bordereaux. Et puis, finalement, on m'a dit, écoutez, il a disparu. On ne peut pas vous le montrer, il n'y a pas de bordereau. Il a disparu de manière malencontreuse et il n'y a rien. Voilà. Alors, les portes se ferment, quoi. Les portes se ferment. Et après, on m'a dit, bon, il a été détruit. Donc, vous ne le verrez plus jamais. Et ça, c'est très récent, puisque c'était donc après la découverte de la cassette de pierres précieuses, qui n'était pas, des diamants, mais des émeraudes. Oui. Des pierres précieuses, quoi. Oui, des pierres précieuses. Mais bon, soyons précis, des émeraudes. D'accord. Alors, oui, Françoise Rey, je vous coupe un peu, parce que je voudrais qu'on prenne au téléphone le sixième homme, celui qu'on va appeler le sixième homme de l'expédition Chabert. C'est le journaliste Philippe Réal, chef du bureau de l'ORTF à Grenoble. C'est lui qui a co-organisé cette opération. Nous en avons parlé pendant le récit. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Philippe Réal, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi d'abord, quelles étaient vos motivations réelles, je dis bien réelles, pour monter cette opération ? Est-ce que vous vouliez faire l'enquêteur ou c'était un exploit ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Non, si vous voulez, René de Maison m'avait convaincu finalement que c'était faisable, l'expédition était faisable, mais moi dans mon idée de journaliste, comme un journaliste d'investigation, c'était de réaliser un reportage, un bon reportage pour la télévision et pour la radio, Interactualité notamment. Donc on a monté cette affaire, tout le monde a joué le jeu, y compris la direction des actualités télévisées ou du journal parlé, et donc c'était vraiment, dans mon optique, le reportage pour De Maison, c'était retrouver des pièces et retrouver surtout les boîtes noires. Alors, il fallait que ça soit entouré d'un certain secret, cette opération-là, oui, pour qu'elle fonctionne. Qui était dans le coup, finalement, au-delà de ce qu'on a dit, nous ? Alors, qui était dans le coup, j'allais dire, personne, c'est pas ça. Beaucoup trop de monde était dans le coup, et on avait beaucoup de mal à cacher notre expédition, etc. Si bien que l'hélicoptère, on a dû le planquer dans une ferme près d'Albertville, attendre quelques jours qu'il fasse beau, etc. On avait très peur qu'il y ait des fuites, aussi bien à Paris qu'à Chamonix ou un peu partout. Et on faisait notre soin à cacher les choses, à cacher l'information. Édouard Sablier, qui était le patron du journal télévisé, d'actualité télévisée à l'époque, c'était le seul, nous avait dit, bon, ok, je vous donne les moyens nécessaires, mais surtout, je veux que ça éclate comme un scoop. Ce qui a été le cas. Il voulait prouver à sa façon que le service public de l'ORTF pouvait aussi sortir des scoops autres que ceux de Paris Match. C'était un peu l'idée. D'accord. Guy Lux était dans le coup, non ? Il a joué le jeu lors d'Internet, c'est ça ? Racontez-moi. Oui. C'est-à-dire ? L'histoire de Guy Lux, c'est paradoxal. C'est que quand j'étais à La Plagne, on avait codifié nos liaisons radio avec De Maison, mais je me doutais bien que les gendarmes venaient, comme ils étaient venus deux fois à La Plagne, ils cherchaient quelque chose. Heureusement, on n'était pas à la même heure, et j'ai vu les installations d'Internet, l'émission de Guy Lux, la station de télévision, assez importante à l'époque. J'ai été voir Guy Lux, je lui ai dit, écoute, voilà, on monte ça, est-ce qu'on peut se camoufler chez toi, au milieu de la ferraille, au milieu des émetteurs, des antennes, etc. Guy Lux emballé, j'avais peur qu'il fuite, mais non, pas du tout. Guy Lux emballé, il a mis dans le coup ses techniciens. Donc moi, je faisais les liaisons depuis les installations de l'ORTF, d'Internet. Alors, à votre retour, vous avez été convoqué à Paris, au siège de l'ORTF. Racontez-nous la scène, parce que je crois que c'était pas très chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je dois dire que Jacques-Bernard Dupont, qui était le PDG de l'ORTF à l'époque, nous a félicités. Ah bon ? Il était un peu gêné quand même, un peu coincé, parce qu'il avait dû se faire engueuler par Perfit, vérité à l'information, par Roger Frey à l'intérieur, et puis aussi par Coupe de Murville aux affaires étrangères, qui avait l'ambassadeur d'Italie sur le dos. Donc il était un petit peu coincé, mais il nous a félicités, il nous a dit « Bon, vous avez fait un bon travail, un bon reportage, bravo, maintenant... on arrête tout, vous ne faites plus de déclaration, on laisse faire la justice. » Et là, c'est un des conseillers de chez Perchit, en nous raccompagnant à la porte, à Cognac G, nous a pris par le bras, René et moi, nous a dit, bon, écoutez, encore toutes nos félicitations, mais maintenant, fini, terminé, on n'en parle plus, on laisse l'enquête se poursuivre. Qu'est-ce que vous en avez conclu? Parce que vous aviez quand même une idée de cette histoire-là, qui est quand même bien mystérieuse. Deux avions qui se crachent au même endroit, à 16 ans d'intervalle, deux avions de la même compagnie, on retrouve des émeraudes, après on dit, mais le deuxième, il a peut-être percuté un autre avion. Enfin, il y a quand même beaucoup d'hypothèses. À côté de ça, une enquête qui, je ne dis pas qu'elle est bâclée, hein, je ne peux pas me permettre de le dire, mais enfin, va vite quand même. Oui. On dit, non, c'est une erreur pilotage et de tour de contrôle. Allez, circulez. Bon, qu'est-ce que vous en concluez, vous, aujourd'hui? Difficile de conclure quelque chose, parce que vous l'avez bien rappelé, il y a eu tellement de bruit, de choses fantaisistes et autres, Françoise l'a dit. Moi, je pense, je reste dans l'hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse pour le moment, du télescopage, du percutage accidentel, pas intentionnel, mais accidentel, d'un autre avion. Alors, on avait découvert que c'était un Fiat G91 de l'armée de l'air italienne qui travaillait pour l'OTAN à ce moment-là. Il y a toujours eu beaucoup, beaucoup d'exercices autour du Mont-Blanc. Il y avait beaucoup d'avions tout le temps, etc. Donc, c'était pas étonnant qu'il y ait un avion de chasse qui soit dans le coin. La seule chose, quand même, c'est que le contrôle aérien de Genève devait le savoir. Oui, Françoise, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Philippe, et on n'a pas encore parlé du professeur Baba. Ah, j'allais venir. Bon, parce que justement, il y a des choses un peu troublantes. Merci Philippe Réal, vous pouvez rester en ligne bien sûr, hein, si vous avez envie de... Non, je vous dis ça, c'est une invitation, c'est une promesse de Gascon, parce que il reste que 2 minutes. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage, Françoise Rey. Il reste 2 minutes, donc on va aller assez vite. Alors, ce Homi Bhabha, père du programme nucléaire indien, dans ce contexte de guerre froide, je vais pas quand même qu'on aille trop dans l'imagination, mais enfin bon, ça interpelle. Ça interpelle, mais puisqu'on a 2 minutes, il faut aller très vite. Si, comme le dit Philippe, effectivement, beaucoup de choses semblent converger vers une autre raison, une autre explication que l'erreur de pilotage. Mais Bhabha n'était pas n'importe qui. Le professeur Bhabha, c'est non seulement un très très très grand physicien qui avait fréquenté les plus grands, qui avait fait Cambridge, qui avait fréquenté les plus grands physiciens de cette époque, qui était quand même très très importante au niveau de la science nucléaire. Mais Bhabha, et ça personne ne le savait, on l'a découvert très récemment, Bhabha était quelqu'un de très connu en France. Il était en contact avec les Français. En 1950, en 1949, il était déjà en train de négocier un accord sur le nucléaire avec la France, avec le CEA. Il a été, au moment du deuxième crash, en négociation avec la France, qui devait livrer des installations pour la construction d'un nouveau réacteur. Et par ailleurs, ce monsieur excédait les Américains. Vous pensez à un attentat possible? Pardon de vous couper, mais il faut aller vite. En tout cas, si c'est pas un attentat, le hasard a très très bien fait les choses. Et le fait que deux avions se crachent au même endroit, c'est dû au hasard, à la configuration du terrain dangereux, c'est quoi? Écoutez, si on savait, en 1966, on savait que si un avion se crache au sommet du Mont Blanc, les débris sont enfouis, on n'en parle plus. On oublie victime et débris, et terminé. Oui. Voilà, ça laisse les choses. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Homi Bhabha était très connu par les services en France, par la France. Merci Françoise Rey, pardon pour cette fin un peu précipitée, mais le temps, il est incompressible, à la radio comme ailleurs. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les fantômes du Mont-Blanc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Markovic. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice. Dites-moi, parfois on est chanteur, parfois on est chef d'orchestre, certains font les deux. Mais vous êtes très au courant de mon actualité, si je puis dire, de l'actualité de la récréation. Effectivement, nous recevons un homme qui sait faire pas mal de choses. Il chante et il dirige, il s'appelle Paul Agnew et nous évoquerons les 450 ans de la naissance de Monteverdi. C'est cette année, Fabrice. Parfait, merci Vincent, à tout à l'heure.